cours numéro 22. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Enfin, dans notre dars précédent, on a étudié ensemble, on a commencé plutôt l'étude du chapitre du Qiyas. Et on a étudié ensemble la définition et les premières conditions. On est arrivé à la quatrième. Qala rahimahullah ar-rabi' أو الرابعة على كاتريام كونديسيون أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. دونك أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم أي il faut connaître العلة كالإسكار في الخمر. قال فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. أي يفك هذه العلة على أثر على الحكم. Si on peut dire comme cela. مثلا الله سبحانه وتعالى il a interdit l'alcool. لماذا؟ لأنه ça rend ivre. أما أحيانا tu trouves un وصف كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا وصفا طرديا. أي وجوده وعدمه سواء هكذا يقول أهل العلم. هذا الوصف qui se trouve sur cette chose ou qui ne se trouve pas, ça change en rien le حكم. تأملوا المثال. قال مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا أسود. Vous avez remarqué que dans ce délit ce عبد il a été qualifié de أسود. في الحقيقة هذا c'est مجرد une information, ça change rien au حكم. أي si le عبد il aurait été blanc ça aurait rien changé. بريرة رضي الله عنها خيرت على زوجها حين عتقت. أي بريرة quand elle a été affranchie خيرت, elle a eu le choix, est-ce qu'elle garde, elle reste mariée à ce عبد qui était son mari quand elle-même c'était une esclave أم لا. Dans ce hadith c'est informé أن son mari, c'était un abd aswad, noir. Est-ce que si ça aurait été un abd blanc, ça aurait changé quelque chose? Abadan. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين فقوله أسود وصف طردي. أي ça change rien au حكم. مثلا dans le hadith, si ça aurait été cité هكذا وكان زوجها عبدا, ça aurait rien changé. Si ça aurait été وكان زوجها عبدا عبدا أبيض, ça aurait rien changé. هنا la couleur elle a été citée هكذا. Et ça change pas le حكم. قال ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض. أي في الحكم الشرعي une femme si elle a affranchi, c'était une esclave, elle a été affranchie, elle a été mariée à un esclave, فتخير, elle choisit que son mari qui était un esclave soit blanc ou noir, ça change rien. قال ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. نعم إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. أما إذا عتقت elle était avec un حر même si ce حر il était أسود ففي هذا الحال elle a pas le choix. وعلى كل حال أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. أي إفكست علة السواء معلومة et elle est liée au حكم. فمثلا الإسكار c'est la cause pour laquelle l'alcool c'est interdit. الإسكار c'est une chose qui rend ivre. قال خامسا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. هذا c'est واضح. Cette علة et cette cause qui est présente dans l'asl et bien sûr il faut qu'elle soit présente في الفرع. Si on reprend l'exemple de Al-Iskar, Al-Asl, l'alcool c'est interdit parce que ça rend ivre, il faut que cette chose, ce fort qu'on prétend qu'il est interdit, bien sûr, il faut qu'il y ait cette cause, Al-Iskar. Et si on veut faire la comparaison, ou plutôt l'analogie, Al-Qiyas. قال, كالإذا في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. Tu as deux choses. Tu as Al-Asl, c'est Al-Ta'fif. C'est quoi التأفيف? Le fait de dire ouf. C'est ça التأفيف. فلا تقل لهما ouf. التأثيب سلف الدجاج أف الله سبحانه وتعالى حرم هذا فلا تقل لهما أف تقول الله جغت بعض أف فلا شك أن si tu n'as pas le droit de dire أف est-ce que tu as le droit de les frapper أبدا لماذا لأن التأثيب c'est quoi العلة de التأثيب hein الإيذاء ça fait du mal aux parents un enfant qui fait أف à ses parents, ça leur fait du mal. Al-Dharb, la chèque que Al-Ida, il est a'zam, mais il est akbar. Le fait de frapper Iyadan Billah, ça fait encore plus de mal. Vu que Al-Ta'fif, c'est interdit, Al-Dharb, min babi awla. Qala fa illam takun al-illatu mawjouda fil far' lam yassih al-qiyas. Amma est-ce que l'interdiction de frapper ses parents, c'est bil-qiyas? فلا شك أن هذا في الحقيقة صارون تحت عمومات. C'est pour ça que بعض العلماء disent que هذا c'est pas من باب القياس. الله سبحانه وتعالى nous a interdit التأفيف, le fait de dire ouf. Et le délil في الحقيقة c'est un délil على التأفيف, le fait de dire ouf. Et bien sûr, ça englobe ce qui est plus grave. Donc, في هذا الحال, tu n'as pas besoin de faire le قياس. Le délil il montre clairement que tu dois respecter les parents, tu ne dois pas dire ouf et من باب أولى, ne pas les frapper. قال مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل المكيل c'est une façon de peser الكيل فمثلا البر la façon de le peser ça sera avec الكيل مثلا à l'époque il prenait un mud ou un sa' plutôt un sa' c'est plusieurs mud c'est le fait de rassembler tes deux mains et tu remplis de bur et maintenant tu peux le faire tu peux comparer le bur à quoi c'est qui peut nous citer une comparaison arroz c'est pour ça que بعض العلماء في باب القياس ils font du qiyas arroz et le bur comme on a dit معنا اما التفاح لا التفاح c'est pas من المكيل pour peser les pommes tu peux pas joindre tes deux mains et prendre des pommes hakada mettre dans un sac là c'est bilwazn ça sera pesé et même al-bur al-an c'est pesé lakin à l'époque ils faisaient pas avec tufah et d'autres fruits ils employaient pas al-makil donc il y a une différence tu peux pas comparer quelque chose qui est pesé avec al-kayl avec une chose qui n'est pas pesée avec le kayl cette différence s'empêche de faire al-qiyas hada kalam cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah وهكذا il y a une différence on peut citer un autre exemple même si c'est minal kayl lakin le nom il est pas pareil مثلا طعام avec autre chose مثلا واحد il veut peser du madri autre chose que طعام du fer ou autre qui se prend هكذا voilà chaque c'est pas la même chose هذا طعام وهذا غير طعام donc pour faire le qiyas il faut qu'il y a un shabah bien sûr فهذه شروط القياس أربعة أو plutôt خمسة أن لا يصادم دليلا ça c'est clair ça contredit pas un délil أن يكون حكم الأصل ثابت بنص الإجماع bien sûr il faut que le أصل le حكم il faut qu'il y ait un délil أما tu veux faire un قياس sur une chose ou cette chose elle-même elle n'a pas de دليل فلا tu peux pas ثالثا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ça ressemble au رابع تكون علة مشتملة على معنى مناسب للحكم إلى آخره il faut que cette علة elle soit معلومه اما في العبادات التعبديه المحضه on peut pas appliquer كذلك si cette chose c'est un wasf tardi qui change rien on peut pas appliquer كذلك خامسا ان تكون العله موجوده في الفرع كوجودها في الاصل هذا il est clair اي faut que la illa qui est présente dans l'asl il faut qu'elle soit présente dans le fara لماذا لان on va faire un ilhaq ilhaq al far' bil asl et si la illa n'est pas présente ça sert à rien ou illa ça ouvre un bab grave il y en a les gens ils vont autoriser des choses interdites ou ils vont rendre interdites des choses permises ayyadan billah là il faut bien que il y a هذه الشروط المهمه ثم ذكر اقسام القياس قال اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي هذا الكلام اللي مهم لماذا لأن ça va nous permettre de différencier entre le qiyas au sahih et le qiyas al batil. C'est pas tous les aqiyasa qui sont acceptés. فهنا القياس جلي clair. Et vous verrez des sous-catégories qui montrent que certaines catégories ne sont pas acceptées. قال أولا فالجلي. Quelque chose de jali, c'est quelque chose de واضح, de ظاهر, et de clair. ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. أي quelque chose de clair. Il y en a إما des أدلة, إما plutôt نعم إما des أدلة. إما c'est clair que telle chose c'est comme telle chose. أي العلة c'est la même. Il y a pas de différence. ففي هذا الحال القياس إلى الجلي. وهنا في الحقيقة on peut prendre l'exemple de الضرب. ضرب الوالدين لا شك c'est حرام. Et le fait de comparer au ta'fif, là, chaque que l'illa, c'est la même, mais c'est encore plus clair. Anna, ça fait du mal. فهذا القياس الجلي كثيرا les exemples, في الحقيقة il y a des adillas. حقيقة, c'est pas un قياس. كثيرا, tu trouveras des عمومات ou des adillas في هذا. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص أي الاستجمار بالروثة لماذا؟ لأنه سنجس أي سليزسكريمون قال حيث أتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ابن مسعود رضي الله عنه إلى أبوختي وبروفيت صلى الله عليه وسلم et pour faire l'istijmar, et se laver les parties, de pierre et rautha. Rautha, c'est les excréments qui sont devenus secs, les excréments d'animaux. قال يستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. قال شيخ ابن عثيمين والركس النجس. هكذا تطبط. ركس في صحيح البخاري. ركس بكسر الراء. Il y a une autre illa dans un autre hadith. An hada c'est min ta'am il djinn. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas voulu faire l'istinja avec al-rawtha? Limada li anna c'est min ta'am. Qal fi le hadith alayhi wa sallam fa innaha min ta'am ikhwanikum ul djinn. C'est la nourriture des djinn. Naam. Fa ahyanam, vous avez remarqué, il y a deux causes. Fa ala kulli hal, la première cause anna hada c'est najis. Donc, vu que l'istijmar bid-dam, al-najis al-jaf, matalan du sang, qui est devenu dur, qui a séché, est-ce qu'on peut faire l'istinja bih? La. Limada li annahu ya la même illa que al-rawtha, al-najasa. Qala wa mithal ma thabatat illatuhu bil-ijma' naha aw nahyu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Faqiyas man' al-haqin min al-qada على منع الغضبان منه من القياس الجلي. الحاقن c'est celui qui se retient de faire ses besoins. Il est في حالة ضيقة. Donc tu as une mas'ala, c'est le fait de citer un jugement. القاضي est-ce qu'il peut donner un jugement? Il y a deux situations. S'il est énervé, فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. Qadi, il n'a pas le droit de juger alors qu'il est énervé. L'imada, son énervement, il peut le pousser à ne pas être juste, à perdre ses moyens, à se précipiter. Fi hadha al-hal, la bud, il attend que la colère, elle parte pour pouvoir se prononcer. Al-haqin, ça ressemble au ghadban. L'imada, il n'est pas dans son état normal. Ou il est dans une situation qui peut le pousser à se précipiter, à ne pas être objectif. Maintenant, le qadi, il a une affaire. Et il doit se prononcer et il a très très envie d'aller faire ses besoins. Fait hadha al-hal, il se prononce pas. Limadha li'anna, si il veut se prononcer, Obama, il va se précipiter, il va pas prendre certaines choses en compte. Fait hadha al-hal, il fait ses besoins, thumma, il se prononce. Ils ont fait ilhaqu hal al-haqin, alhaqu bimadha bihal al-ghadban. Limadha li'anna al-illa, c'est la même, annahu Obama, il est pas en pleine possession de ses moyens. Et comme d'habitude, بعضهم قال ان هذا c'est pas min al-qiyas. بل هذا il y a des adilla qui prouvent هذا et parmi les adilla هذه العمومات. الامر سهل. الأمر صحيح. كونديس كو سي من القياس الجلي أو كو ساغونت تحت النص عام، الأمر سهل. ليسونسيال سي كو الإنسان إلى الحكم الصحيح. قال فقياس منع الحاق من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر واشتغال القلب وانشغال القلب. سي هذا سي ثابت نعم بالإجماع، فبعض العلماء يبون دير هذا سي بالإجماع، الإجماع سي ان دليل، بعضهم يبون دير سي من القياس، والأمر سهل. دونك العلة سي سا تشويش الفكر وانشغال القلب، أنه يسوغا با سيران، ربما يبا بونسي ا دوتر شوز، يبا بولوار سو بريسيبيتي. نستفيد نحن من هذا أن هذا سي با كو بور لو جوج، ميم نو tu as quelque chose de faire d'important, une affaire à régler, tu dois te prononcer sur quelque chose et t'es énervé, ou tu es mashghoul bal, fa repousse, ne te précipite pas. Rubama tu dis une chose et ton cœur il était occupé par une autre chose. Thumma tu parles sans objectivité, tu parles avec précipitation, thumma tandam. Falihada al-insan, khassatan dans les affaires importantes, il fait attention à la colère. كم من الناس يتكلمون في حال الغضب ثم يندمون. دونك في اتونسيون هذا. قال ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللباس على تحريم اتلافه بالاكل للقطع بنفي الفارق بينهما. الجلي الى سيتي 3 بوين اون لي ريبيت ان نص أو un إجماع أو il y a une chose claire qui montre qu'il n'y a pas de différence. تقدم معنا للنص avec حديث ابن مسعود رضي الله عنهما ثم الإجماع avec مثال القاضي le juge qui ne se prononce pas dans certaines situations. Le troisième point du قياس الجلي أنه il y a certains cas c'est clair, il n'y a pas de différence. Donc ça prend le même حكم. مثلا إتلاف مال اليتيم c'est haram. Que ça soit bil libas ou bil akl, c'est la même chose. لماذا؟ لأن هذا المال, cet argent de cet orphelin, on n'a pas le droit de la prendre, de la gaspiller. Que ça soit en utilisant cet argent pour s'habiller ou pour manger. وبعض العلماء يقولون أن هذا في الحقيقة c'est pas du qiyas. Et on a, c'est clair que c'est pas du qiyas. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. يأكلون que ça soit بالأكل que ça soit en utilisant de telles choses. يأكلون هنا c'est pas que la nourriture là. يأكلون c'est le fait de dépenser cet argent qui revient pas à cet homme. Cet argent c'est à cet orphelin. Enfin, que ça soit en mangeant, en s'habillant, en voyageant. في هذا الحال c'est haram. Donc هنا on a un nas, on a une ayah amma qui interdit de prendre l'argent de l'orphelin. Bighayri haqq, bien sûr. Amma si c'est bihaqq, si c'est pour cet orphelin, voilà, chacun a le mas'oul, il a le droit d'utiliser l'argent. Fa qawluhu qiyas wa tahrim itlaf mal al yatim bil libas, hada c'est le fur'a. Ala tahrim itlafihi bil akl, ça c'est l'asl. لماذا؟ لأن dans le verset c'est écrit يأكلون. لكن في الحقيقة le verset il est عام. يأكلون que ça soit l'أكل que ça soit autre chose, l'essentiel prendre l'argent de l'orphelin c'est haram بغير حق. Donc هذا c'est le قياس الجلي. Vous avez remarqué que les trois cas في الحقيقة كثير من العلماء disent que c'est pas من القياس هذا. Tellement que c'est clair في الحقيقة il y a un نص. والأمر لا بس. Tu trouveras des exemples صحيحة في هذا. والله أعلم. La deuxième catégorie, al-khafi. Qala, al-khafi, ça vient de al-khafa. C'est le contraire de al-jali. Al-khafi, c'est quelque chose de ramid, qui n'est pas clair. C'est pas clair pour tout le monde. Et ta'lamoun anna hadhi al-umur. Quelque chose de khafi, quelque chose de jali, c'est. Hada, c'est nisbi, ça dépend. Pour moi, ça peut être clair. Pour toi, ça peut être khafi. Ça peut être quelque chose qui n'est pas clair. Pour toi, ça peut être clair. Pour moi, ça. Peut ne pas être clair. هذه الأمور c'est نسبي. قال والخفي ما ثبتت علته باستنباط. أي il faut un اجتهاد d'un savant. faut un ijtihad. Labud min istimbat. Il faut une réflexion. Contrairement au jali. Le jali, c'est clair pour la plupart des gens. قال ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل او ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع هذا القياس الضعيف si on peut pas être sûr de la différence entre l'asl et le farah fala shak on pourra pas appliquer certains shurut kama sayati qala mithaluhu qiyas al ashnan ala al bur. Al-Ashnan, c'est un nom de saboun. Ils utilisaient à l'époque pour se laver. Ça vient d'arbres. Ça devient comme de la poudre. Enfin, c'est pas de la nourriture. قال قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. Vous avez remarqué que Al-Ashnan ou Al-Bur, ils se ressemblent dans la matière. Et les deux, tu pourras les peser keilen. Et si tu mets tes deux mains, tu pourras prendre une quantité de bourre et tu pourras prendre la même de Al-Ashnan. Donc ils se ressemblent fi hadha an-naw. Qala fa inna at-ta'lil bil-kayl lam yathbut bi nass wala ijma' wa lam yuqta' fihi bi nafy al-fariq bayna al-asl wa al-far' idh min al-ja'iz an yufarriq baynahuma bi anna al-bur mat'um wa bi khilaf al-Ashnan. Na'am. Donc on n'a pas de dalil clair. Et كذلك on a une différence. Al-Ashnan, c'est pas de la nourriture, et le bur, c'est de la nourriture. Enfin, ce qiyas, il est da'if. Tu peux pas comparer Al-Ashnan avec Al-Bur et tu les rassembles dans ce point, Al-Riba. S'il y a de la riba dans le bur, donc il y aura dans l'Ashnan. Limada li annahu c'est min al-makil. Là. Là. Huna al-qiyas, il est da'if. Limada li annahu, il y a des différences. Et kadhalik al-asl al-jami' al-illa al-jami'a, on n'a pas de dalil clair. Vous avez remarqué que hada c'est fondé sur le fahm. Et le fahm yakhtalif. Bon, les ulama ils vont dire hada ça ressemble, d'autres ils vont dire là ça ressemble pas dans telle chose. Donc le prendre comme dalil, hada fihi nadar. Hada ça va être plus sur la compréhension. Ahyanan tu vas wafiq ce savant, tu vas prendre le qawl de ce savant, ahyanan tu vas pas le prendre. Amma le prendre comme dalil, hada la. Thumma il a cité un autre nom de qiyas, c'est qiyas au shabah. Et هذا il est باطل. هذا il est باطل. قياس الشبه. Et se s'axer ou se baser sur مجرد الشبه. Il y a une ressemblance. Vu qu'il y a une ressemblance, donc ça a le même حكم. هذا c'est très très grave. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه. الشبه c'est la ressemblance. وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين الحكم وفيه الشبه بكل منهما. فيلحق بأكثرهما شبها به. أي tu as un فرع, une مسألة quelconque, un point, et tu as deux أصل, أصلان. Est-ce que ce فرع tu vas le faire revenir au premier fondement ou au deuxième? فبعضهم qu'est-ce qu'ils font? قال فيلحق بأكثرهما شبها. أي le font revenir à celui qui lui ressemble le plus. مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على البهيمه العبد سي الاسكلاف يملك سي الفات دو بوسيدي لي شوز است كو العبد سي لا اون شوز يلا بوسيد الا لوي او سيت شوز ال ريفيان ا سون سيد ا سون متر فبعضهم يفون فير ريسامبلي العبد ا ان اتر هومان فيو كو سي ان اتر هومان فايفون دير يبوسيد سي شوز. Ces choses lui appartiennent. Abadoum, ils vont le faire ressembler à l'Bahim. Il a une ressemblance avec l'Bahim. Tu peux le vendre, tu peux l'acheter, etc. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة. Tu as deux أصل. الحر, c'est l'homme libre. Et البهيمة, c'est la bête. قال وجدنا أن العبد متردد بينهما. العبد في الحقيقة dans ses أحكام أحيانا إلى حكم. الحر لهم ليه احيانا الى حكم البهيمه دربت قال فمن حيث انه انسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويشبه يشبه الحر. Donc vu que c'est un être humain, il aura des comptes à rendre, il a certaines obligations, des interdictions les concernées, كذلك il peut se marier, il peut divorcer, la akhira, فمن هذه الناحيه il ressemble à l'homme libre. قال ومن حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. Dans ces points, il ressemble à la bahima. Il peut être acheté, il peut être vendu, il peut être prêté. Il a akhir. Il peut être hérité. كذلك, c'est son seyyid, il meurt, il rentre في التركة. Tout ça, ça le fait ressembler à la bahima. قال وقد وجدنا أنه من حيث تصرف المال أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. Si tu regardes les deux, tu verras que من حيث التعامل بالمال, tout ce qui est transaction et l'akhiré, il ressemble plus à une bête. Donc on le fait ressembler à la bête في هذا الحال. هذا c'est un قياس ضعيف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا القص هذا القسم من القياس ضعيف. إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. نعم في هذا الحال on peut pas faire القياس. مثلا واحد يفعل القياس يدي سعب il n'est pas obligé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas obligé de faire salat. لماذا لأنه يغسمل البهيمة dans telle chose. أبدا il a حكم الآدمي dans certaines choses et التصرف يغسمل البهيمة dans certaines choses. Donc chaque chose on les met à sa place et on n'a pas besoin de faire ce qiyas. Amma wahid il ferait une fatwa et donne ahkamu al-bahima pour le abd dans tout, ça serait très très grave. Donc ce qiyas il est fasid, il est batil. Le dernier qiyas sur l'aks. Qiyas sur l'aks. L'aks c'est l'inverse d'une chose. Et hada il est sahih. Hada al-qiyas il est sahih. Et avec l'exemple, ça va être plus clair. Inch'Allah. قال ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم نقيض نعم نعيد قال وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة نعم لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أي on lit l'exemple, ça va être clair. قال ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. Et avec cet exemple, c'est clair. Vu que celui qui a des rapports dans le halal, il est récompensé. Enfin, celui qui a des rapports dans le haram, il a des péchés, il a commis des péchés. Le qiyas, il est fait avec l'inverse. Vu que dans le halal, tu es récompensé, si tu inverses dans le haram, celui qui le fait dans le haram, il a des péchés. Comme akhbar al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qalu ya Rasulallah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakun lahu fiha ajr. Qala araaytum law wada'aha fi haramin, akana alayhi wizr. Fakadhalika idha wada'aha fi al-halal, kana lahu ajr. Fa'athbata al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lil-far' wa huwa al-wat. Al-halal naqid hukm al-asl wa huwa al-wat al-haram. Al-wat ou c'est les rapports. Fasi c'est fi al-halal. Il a des récompenses. Et si c'est fait le haram, il a l'inverse, il a des péchés. قال لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. Et بعض العلماء ils appellent pas هذا قياس. قياس العكس بعض العلماء ils l'appellent pas قياس. بعض العلماء ils se basent sur ce dalil pour dire que هذا الحكم استفدناه من الدليل. La preuve c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a cité. نعم ça c'est من المفهوم مفهوم النص tu comprends هذا والله تعالى أعلم. Donc هذا الباب il est مهم. Et vous avez remarqué que Cheikh Ibn Uthaymeen هنا il a simplifié جدا وإلا فهذا الباب il est واسع. Il est vaste. Et بعض العلماء كتبوا فيه. فعلى كل حال, à notre niveau, on révise en apprenant le ta'rif. ثم, bien comprendre les quatre points, et les appelle les piliers du qiyas, الفرع والأصل. Tu as toujours un أصل et un فرع. Le فرع, c'est ce qui va rejoindre le أصل. مثلا الأصل c'est que la viande de chameau elle annule un annulatif parmi les annulatifs des ablutions. Si on prend un for à l'autruche, est-ce que la viande d'autruche Si on mange la viande d'autruche, ça annule les ablutions. Est-ce que ce far'i rejoint ce os? On a vu que non. لماذا لأنه الحكم, c'est le fait de refaire les ablutions. Le quatrième pilier, العله. On n'a pas de illa jamia. Pourquoi comparer la viande d'autruche à la viande de chameau? Pourquoi? On ne sait pas aslan, on n'a pas de dalil clair qui montre pourquoi on doit refaire la viande, le dos de la viande de chameau. Enfin, comment comparer une autre viande si on ne sait pas? Ah là, c'est pas possible. Donc, si tu as compris ces quatre, n'importe quel exemple, bi'idnillahi azza wa jalla, tu pourras le comprendre. Fal-far'u wal-asl, al-hukm. Al-hukm, ça dépend, on les a vus. Ça peut être wajib, ça peut être mustahab, ça peut être haram, ça peut être mukra, ça peut être makro, ça peut être mubah. Ça dépend. À la kulli hal, si al-far'u, il a la même illa que l'asl, et le qiyas, il est appliqué, fal-far'u, il prendra al-hukm du asl. Si l'asr est wajib, on dira ce far, il est wajib. Si il est haram, on dira c'est haram. Fahada. Fa retenir le ta'rif avec hadhihi al-arkan al-arba'a, kadalik retenir les shurut. Ces shurut sont importants, ils permettent de différencier entre le qiyas al-sahih et le qiyas al-batil. Fa s'il y a un dalil qui contredit, on revient au nas. Vous avez remarqué que le qiyas, c'est un dalil qui est authentique quand le qiyas il est authentique, et il est basé sur les conditions que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité. Et vous avez remarqué que Al-Qiyas, il vient après. Si tu as un dalil clair, le Coran ou la Sunna, et tu as un Qiyas, là je sais que le Qiyas, il ne peut pas s'opposer au dalil. Abadan, le Qiyas, il passe, le dalil, il passe avant. Et fait Adel Hal, la Qiyas. Et Kadalik, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a insisté, Al-Far, il faut bien qu'il a la même illa que Al-Asl. Ou Allah, ou Adoum, ils se laissent aller, ils font des Aqiyasa, et ce n'est pas la même chose. Ahlul Ahwa, ils utilisent beaucoup hada et ils autorisent des choses. Mimma harram Allah subhanahu wa ta'ala, en se basant sur le qiyas, c'est ba'id jitten. C'est ba'id. Quand tu viens à analyser, à étudier le point, tu trouves que iyadan billah, c'est ba'id. Et ba'dhum, c'est min bab al-hawa. Ba'dhum, ils suivent leur passion. Faqat. Wallahu ta'ala a'lam. Après avoir cité, rahmatullah alayh, hadhihi al-anwa' min al-adillah, القرآن والسنة ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ إلى آخره comment étudier ces أدلة ثم إلى ستة كذلك الإجماع ثم إلى ستة القياس. Le prochain chapitre qu'on étudiera ensemble, il est muhim jiddan, c'est باب التعارض. أي maintenant que tu sais c'est quoi un dalil, tu connais les conditions إلى آخره, أحيانا tu peux trouver chez min al-ta'arud. Imma, ça vient de toi. Imma, on verra bien sûr un des adillah, il est da'if, il est akhri. Va hadha al-bab, il est muhim jiddan. Et savoir comment utiliser ces adillah. Ba'd al-nas min ahli al-ahwa'i, ils prennent ce qu'ils veulent. Ils prennent même plus un dalil, ils prennent un bout de dalil. Une partie. Et il prétend que telle chose c'est permis, telle chose c'est pas permis, il a akhir. Hada c'est muhim. Savoir comment faire, inda ta'arud al-adil. C'est quoi qui passe avant quoi? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose, on a un fi'l où il fait autre. Comment faire? Fi hada al-hal. Kadhalik, tu as un dalil am et tu as un dalil khas, wa hada taqaddam. Et beaucoup de points qu'il a cités, rahmatullah alayhi. Après ce chapitre, là, c'est un autre chapitre muhim et ça va ensemble. At-tartib bayna al-adilla. At-tartib bayna al-adilla. Et il y a un ordre. Si tu connais cet ordre, ça va te faciliter beaucoup de choses. Naktafi bihad al-qadr. Man indahu shay. On passe à notre dors suivant. Walhamdulillahi rabbil alameen.